Je viens vous présenter par les couloirs du temps les tout premiers instants d'une vie, d'un amour, car sous peu jailliront ces deux cris tour à tour. C'est pourquoi cette nuit sera le premier jour. Encore une fois, quand ton regard rencontrera les sources de la vie, l'enfant de Kate et d'Atis, une fille ou un fils, investi d'espérance, accueilli tendrement, venu du fond des temps pour réparer l'offense de ta naissance, Arion. Dans une casserole, des vapeurs de pétrole de ton ancien pays. Je viens vous présenter par les couloirs du temps les tout premiers instants d'une vie, d'un amour, car sous peu jailliront ces deux cris tour à tour. C'est pourquoi cette nuit sera le premier jour. Encore une fois, quand ton regard rencontrera les sources de partirai pour devenir poussière. Je quitterai cette terre pour me recombiner en synthèse nouvelle.